Chapitre 3. La cité se forme. La tribu, comme la famille et la fratrie, était constituée pour être un corps indépendant, puisqu'elle avait un culte spécial dont l'étranger était exclu. Une fois formée, aucune famille nouvelle ne pouvait plus y être admise. Deux tribus ne pouvaient pas davantage se fondre en une seule. Leur religion s'y opposait. Mais de même que plusieurs fratries s'étaient unies en une tribu, plusieurs tribus purent s'associer entre elles, à la condition que le culte de chacune d'elles fût respecté. Le jour où cette alliance se fit, la cité exista. Il importe peu de chercher la cause qui détermina plusieurs tribus voisines à s'unir. Tantôt l'union fut volontaire, tantôt elle fut imposée par la force supérieure d'une tribu ou par la volonté puissante d'un homme. Ce qui est certain, c'est que le lien de la nouvelle association fut encore un culte. Les tribus qui se groupèrent pour former une cité ne manquèrent jamais d'allumer un feu sacré et de se donner une religion commune. Ainsi, la société humaine dans cette race n'a pas grandi à la façon d'un cercle qui s'élargirait peu à peu, gagnant de proche en proche. Ce sont au contraire de petits groupes qui, constitués longtemps à l'avance, se sont agrégés les uns aux autres. Plusieurs familles ont formé la fratrie, plusieurs fratries la tribu, plusieurs tribus la cité. Famille, fratrie, tribu, cité sont d'ailleurs des sociétés exactement semblables entre elles, et qui sont nées l'une de l'autre par une série de fédérations. Il faut même remarquer qu'à mesure que ces différents groupes s'associaient ainsi entre eux, aucun d'eux ne perdait pourtant ni son individualité ni son indépendance. Bien que plusieurs familles se fussent unies en une fratrie, chacune d'elles restait constituée comme à l'époque de son isolement. Rien n'était changé en elle, ni son culte, ni son sacerdoce, ni son droit de propriété, ni sa justice intérieure. Des curies s'associaient ensuite, mais chacune gardait son culte, ses réunions, ses fêtes, son chef. De la tribu, on passa à la cité, mais les tribus ne furent pas pour cela dissoutes, et chacune d'elles continua à former un corps, à peu près comme si la cité n'existait pas. En religion, il subsista une multitude de petits cultes, au-dessus desquels s'établit un culte commun. En politique, une foule de petits gouvernements continuèrent à fonctionner, et au-dessus d'eux, un gouvernement commun s'éleva. La cité était une confédération. C'est pour cela qu'elle fut obligée, au moins pendant plusieurs siècles, de respecter l'indépendance religieuse et civile des tribus, des curies et des familles, et qu'elle n'eut pas d'abord le droit d'intervenir dans les affaires particulières de chacun de ses petits corps. Elle n'avait rien à voir dans l'intérieur d'une famille. Elle n'était pas juge de ce qui s'y passait. Elle laissait au père le droit et le devoir de juger sa femme, son fils, son client. C'est pour cette raison que le droit privé, qui avait été fixé à l'époque de l'isolement des familles, a pu subsister dans les cités et n'a été modifié que fort tard. Ce mode d'enfantement des cités anciennes est attesté par des usages qui ont duré fort longtemps. Si nous regardons l'armée de la cité, dans les premiers temps, nous la trouvons distribuée en tribus, en curies, en familles. De telle sorte, dit un ancien, que le guerrier est pour voisin dans le combat celui avec qui, en temps de paix, il fait la libation et le sacrifice au même autel. Si nous regardons le peuple assemblé dans les premiers siècles de Rome, il vote par curie et par gente. Si nous regardons le culte, nous voyons à Rome 6 vestales, 2 pour chaque tribu. À Athènes, l'archonte fait le sacrifice au nom de la cité entière. Mais il est assisté pour la cérémonie religieuse d'autant de ministres qu'il y a de tribus. Ainsi, la cité n'est pas un assemblage d'individus. C'est une confédération de plusieurs groupes qui étaient constitués avant elle et qu'elle laisse subsister. On voit dans les orateurs attiques que chaque Athénien fait partie à la fois de 4 sociétés distinctes. Il est membre d'une famille, d'une fratrie, d'une tribu et d'une cité. Il n'entre pas en même temps et le même jour dans toutes les 4, comme le Français qui, du moment de sa naissance, appartient à la fois à une famille, à une commune, à un département et à une patrie. La fratrie et la tribu ne sont pas des divisions administratives. L'homme entre à des époques diverses dans ces 4 sociétés, et il monte en quelque sorte de l'une à l'autre. L'enfant est d'abord admis dans la famille par la cérémonie religieuse, qui a lieu 10 jours après sa naissance. Quelques années après, il entre dans la fratrie par une nouvelle cérémonie que nous avons décrite plus haut. Enfin, à l'âge de 16 ou de 18 ans, il se présente pour être admis dans la cité. Ce jour-là, en présence d'un autel et devant les chairs fumantes d'une victime, il prononce un serment par lequel il s'engage, entre autres choses, à respecter toujours la religion de la cité, à partir de ce jour-là, il est initié au culte public et devient citoyen. Que l'on observe ce jeune Athénien s'élevant d'échelon en échelon, de culte en culte, et l'on aura l'image des degrés par lesquels l'association humaine a passé. La marche que ce jeune homme est astreint à suivre est celle que la société a d'abord suivie. Un exemple rendra cette vérité plus claire. Il nous est resté sur les antiquités d'Athènes assez de traditions et de souvenirs pour que nous puissions voir avec quelque netteté comment s'est formée la cité athénienne. À l'origine, dit Plutarque, l'Attique était divisée par familles. Quelques-unes de ces familles de l'époque primitive, comme les Eumolpides, les Séropides, les Séphiréens, les Pitalides, les Lachiades, se sont perpétuées jusque dans les âges suivants. Alors la cité athénienne n'existait pas, mais chaque famille, entourée de ses branches cadettes et de ses clients, occupait un canton et vivait dans une indépendance absolue. Chacune avait sa religion propre. Les Eumolpides, fixés à Éleusis, adoraient Déméter. Les Séropides, qui habitaient le rocher où fut plus tard Athènes, avaient pour divinité protectrice Poséidon et Athénée. Tout à côté, sur la petite colline où fut l'Aréopage, le dieu protecteur était Arès. À Marathon, c'était un Hercule, à Prasie un Apollon, un autre Apollon à Plie, les Dioscures à Céphale, et ainsi de tous les autres cantons. Chaque famille, comme elle avait son dieu et son autel, avait aussi son chef. Quand Pausanias visita l'Attique, il trouva dans les petits bourgs d'antiques traditions qui s'étaient perpétuées avec le culte. Or, ces traditions lui apprirent que chaque bourg avait eu son roi, avant le temps où Cécrops régnait à Athènes. N'était-ce pas le souvenir d'une époque lointaine où ces grandes familles patriarcales, semblables aux clans celtiques, avaient chacune son chef héréditaire, qui était à la fois prêtre et juge? Une centaine de petites sociétés vivaient donc isolées dans le pays, ne connaissant entre elles ni lien religieux ni lien politique, ayant chacune son territoire, se faisant souvent la guerre, étant enfin à tel point séparées les unes des autres que le mariage entre elles n'était pas toujours réputé permis. Mais les besoins ou les sentiments les rapprochèrent. Insensiblement, elles s'unirent en petits groupes, par quatre, par cinq, par six. Ainsi nous trouvons dans les traditions que les quatre bourgs de la plaine de Marathon s'associèrent pour adorer ensemble Apollon Delphinien. Les hommes du Pirée, de Phalère et de deux cantons voisins s'unirent de leur côté et bâtirent en commun un temple à Hercule. À la longue, cette centaine de petits états se réduisit à 12 confédérations. Ce changement par lequel la population de l'Attique passa de l'état de famille patriarcale à une société un peu plus étendue était attribué par les traditions aux efforts de Cécrops. Il faut seulement entendre par là qu'il ne fut achevé qu'à l'époque où l'on plaçait le règne de ce personnage, c'est-à-dire vers le XVIe siècle avant notre ère. On voit d'ailleurs que ce Cécrops ne régnait que sur l'une des 12 associations, celle qui fut plus tard Athènes. Les 11 autres étaient pleinement indépendantes. Chacune avait son dieu protecteur, son autel, son feu sacré, son chef. Plusieurs générations se passèrent pendant lesquelles le groupe des Cécropides acquit insensiblement plus d'importance. De cette période, il est resté le souvenir d'une lutte sanglante qu'ils soutinrent contre les Eumolpides d'Éleusis, et dont le résultat fut que ceux-ci se soumirent avec la seule réserve de conserver le sacerdoce héréditaire de leur divinité. On peut croire qu'il y a eu d'autres luttes et d'autres conquêtes, dont le souvenir ne s'est pas conservé. Le rocher des Cécropides, où s'était peu à peu développé le culte d'Athénée, et qui avait fini par adopter le nom de sa divinité principale, acquit la suprématie sur les 11 autres états. Alors parut Thésée, héritier des Cécropides. Toutes les traditions s'accordent à dire qu'il réunit les 12 groupes en une cité. Il réussit en effet à faire adopter dans toute l'Attique le culte d'Athénée Polias, en sorte que tout le pays célébra dès lors en commun le sacrifice des Panathénées. Avant lui, chaque bourgade avait son feu sacré et son prytané. Il voulut que le prytané d'Athènes fut le centre religieux de toute l'Attique. Dès lors, l'unité athénienne fut fondée. Religieusement, chaque canton conserva son ancien culte, mais tous adoptèrent un culte commun. Politiquement, chacun conserva ses chefs, ses juges, son droit de s'assembler, mais au-dessus de ses gouvernements locaux, il y eut le gouvernement central de la cité. Plutarque et Thucydide disent que Thésée détruisit les prytanées locaux et abolit les magistratures des bourgades. S'il essaya de le faire, il est certain qu'il n'y réussit pas, car longtemps après lui nous trouvons encore les cultes locaux, les assemblées, les rois de tribus. Nous laissons de côté la légende d'Ion, à laquelle plusieurs historiens modernes nous semblent avoir donné trop d'importance en la présentant comme le symptôme d'une invasion étrangère dans l'Attique. Cette invasion n'est indiquée par aucune tradition. Si l'Attique eût été conquise par ces Ioniens du Péloponnèse, il n'est pas probable que les Athéniens eussent conservé si religieusement leur nom de Cécropides, d'Irechtéides, et qu'ils eussent au contraire considéré comme une injure le nom d'Ionien. À ceux qui croient à cette invasion des Ioniens et qui ajoutent que la noblesse des Eupatrides vient de là, on peut encore répondre que la plupart des grandes familles d'Athènes remontent à une époque bien antérieure à celle où l'on place l'arrivée d'Ion dans l'Attique. Est-ce à dire que les Athéniens ne soient pas des Ioniens? Pour la plupart, ils appartiennent assurément à cette branche de la race hellénique. Strabon nous dit que dans les temps les plus reculés, l'Attique s'appelait Ionia et Ias, mais on a tort de faire du fils de Xuthos, du héros légendaire d'Euripide, la tige de ces Ioniens. Ils sont infiniment antérieurs à Ion, et leur nom est peut-être beaucoup plus ancien que celui d'Hélène. On a tort de faire descendre de cet Ion tous les Eupatrides et de présenter cette classe d'hommes comme une population conquérante, qui eût opprimé par la force une population vaincue. Cette opinion ne s'appuie sur aucun témoignage ancien. De ces souvenirs et de ces traditions si précieuses qu'Athènes conservait religieusement, il nous semble qu'il ressort deux vérités également manifestes. L'une est que la cité a été une confédération de groupes constitués avant elle. L'autre est que la société ne s'est développée qu'autant que la religion s'élargissait. On ne saurait dire si c'est le progrès religieux qui a amené le progrès social. Ce qui est certain, c'est qu'ils se sont produits tous les deux en même temps, et avec un remarquable accord. Il faut bien penser à l'excessive difficulté qu'il y avait pour les populations primitives à fonder des sociétés régulières. Le lien social n'est pas facile à établir entre ces êtres humains qui sont si divers, si libres, si inconstants. Pour leur donner des règles communes, pour instituer le commandement et faire accepter l'obéissance, pour faire céder la passion à la raison, et la raison individuelle à la raison publique, il faut assurément quelque chose de plus fort que la force matérielle, de plus respectable que l'intérêt, de plus sûr qu'une théorie philosophique, de plus immuable qu'une convention, quelque chose qui soit également au fond de tous les cœurs et qui y siège avec empire. Cette chose-là, c'est une croyance. Il n'y a rien de plus puissant sur l'âme. Une croyance est l'œuvre de notre esprit, mais nous ne sommes pas libres de la modifier à notre gré. Elle est notre création, mais nous ne le savons pas. Elle est humaine, et nous la croyons Dieu. Elle est l'effet de notre puissance, et elle est plus forte que nous. Elle est en nous. Elle ne nous quitte pas, elle nous parle à tout moment. Si elle nous dit d'obéir, nous obéissons. Si elle nous trace des devoirs, nous nous soumettons. L'homme peut bien dompter la nature, mais il est assujetti à sa pensée. Or, une antique croyance commandait à l'homme d'honorer l'ancêtre. Le culte de l'ancêtre a groupé la famille autour d'un autel. De là, la première religion, les premières prières, la première idée du devoir et la première morale. De là aussi la propriété établie, l'ordre de la succession fixé, de là enfin tout le droit privé et toutes les règles de l'organisation domestique. Puis la croyance grandit et l'association en même temps. À mesure que les hommes sentent qu'il y a pour eux des divinités communes, ils s'unissent en groupes plus étendus. Les mêmes règles trouvées et établies dans la famille s'appliquent successivement à la fratrie, à la tribu, à la cité. Embrassons du regard le chemin que les hommes ont parcouru. À l'origine, la famille vit isolée et l'homme ne connaît que les dieux domestiques. Au-dessus de la famille se forme la fratrie avec son dieu. Vient ensuite la tribu et le dieu de la tribu. On arrive enfin à la cité et l'on conçoit un dieu dont la providence embrasse cette cité entière. Penate publici. Hiérarchie de croyance, hiérarchie d'association. L'idée religieuse a été, chez les anciens, le souffle inspirateur et organisateur de la société. Les traditions des hindous, des grecs, des étrusques racontaient que les dieux avaient révélé aux hommes les lois sociales. Sous cette forme légendaire, il y a une vérité. Les lois sociales ont été l'œuvre des dieux, mais ces dieux si puissants et si bienfaisants n'étaient pas autre chose que les croyances des hommes. Tel a été le mode d'enfantement de l'État chez les anciens. Cette étude était nécessaire pour nous rendre compte tout à l'heure de la nature et des institutions de la cité, mais il faut faire ici une réserve. si les premières cités se sont formées par la confédération de petites sociétés constituées antérieurement, ce n'est pas à dire que toutes les cités à nous connues aient été formées de la même manière. L'organisation municipale, une fois trouvée, il n'était pas nécessaire que pour chaque ville nouvelle, on recommençât la même route longue et difficile. Il put même arriver assez souvent que l'on suivit l'ordre inverse. Lorsqu'un chef, sortant d'une ville déjà constituée, en alla fonder une autre, il n'emmena d'ordinaire avec lui qu'un petit nombre de ses concitoyens, et il s'adjoignit beaucoup d'autres hommes, qui venaient de divers lieux et pouvaient même appartenir à des races diverses. Mais ce chef ne manqua jamais de constituer le nouvel État à l'image de celui qu'il venait de quitter. En conséquence, il partagea son peuple en tribus et en fratries. Chacune de ces petites associations eut un autel, des sacrifices, des fêtes. Chacune imagina même un ancien héros qu'elle honora d'un culte, et duquel elle vint à la longue à se croire issue. Souvent encore il arriva que les hommes d'un certain pays vivaient sans loi et sans ordre, soit que l'organisation sociale n'eût pas réussi à s'établir, comme en Arcadie, soit qu'elle eût été corrompue et dissoute par des révolutions trop brusques, comme à Cyrène et à Thurie. Si un législateur entreprenait de mettre la règle parmi ses hommes, il ne manquait jamais de commencer par les répartir en tribus et en fratries, comme s'il n'y avait pas d'autre type de société que celui-là. Dans chacune de ces cadres, il instituait un héros éponyme. Il établissait des sacrifices, il inaugurait des traditions. C'était toujours par là que l'on commençait, si l'on voulait fonder une société régulière. Ainsi fait Platon lui-même, lorsqu'il imagine une cité modèle.